apparaîtra lui. Lui, il sera le plus beau, il sera le plus fort, il sera le plus grand. Lui, lui, me dira les mots, tous les mots que j'attends depuis la nuit des 30 ans. Lui, il me reconnaîtra entre 100 000 et me tendra les bras. Et nous rirons.